بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui notre cours numéro 83 dans l'explication du livre قرة عيون الموحدين, et c'est le charh de Kitab al-Tawhid du petit-fils du Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Et on est dans le chapitre 8 maintenant, Bab Maja Afir Ruqa wa Tama'im, ce qui a été rapporté au sujet de Ar-Ruqa, les différentes incantations et les talismans et les amulettes. Donc on a parlé dans le chapitre précédent au sujet de Libs al-Halqa. أو لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. Donc le fait de porter des bracelets ou des cordes ou des chaînes dans le but de repousser le mal ou dans le but de prévenir un mal ou quelque chose de ce genre ou de ramener un bien. Et là, c'est la suite, si on veut, de ce chapitre-là. On parle maintenant des amulettes de façon plus spécifique. Et on va mentionner ce qui a été rapporté à ce sujet-là. Donc, on a commencé la semaine passée en expliquant le titre. Et on a commencé à expliquer le premier hadith rapporté selon Abu Bashir al-Ansari. Et donc, on continue maintenant dans la suite de cette explication-là. Le hadith en question, c'est le hadith qui dit « وعن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه » أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. On a expliqué que Abu Bashir, il mentionne que le prophète صلى الله عليه وسلم était en voyage avec ils étaient en voyage avec certains des sahaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un messager ou quelqu'un envoyé un message, comme s'il leur a donné un message à transmettre ou une mission à remplir. Et c'était de ne laisser aucun collier dans le cou des animaux qu'ils trouvent. Si c'est des colliers que les gens mettent ou des cordes que les gens mettent dans le cou des animaux pour les protéger contre le mauvais œil ou des choses de ce genre. On a expliqué donc les commentaires de Cheikh Al-Fawzan sur ce hadith-là. Maintenant, on va continuer dans les explications du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Il a cité une parole de Ibn Abdul Barr. Il a mentionné une parole de Ibn Abdul Barr à propos de Abi Bashir. On a mentionné cette parole-là au dernier cours, qu'il disait « La yuqafu ala » ismin sahih la yuqafu lahu ala ismin sahih, c'est-à-dire il y a pas son nom est pas connu par rapport à son nom, yani parce qu'on connaît sa kunya, son nom est pas il a pas un nom qui est connu. Après il dit wa huwa sahabi shahida al khandaq wa mata ba'da 60. Donc il a été présent dans la bataille de Al-Khandaq et il est mort après l'an 60 de la Hijra. Mata yuqala annahu tajawaza al-mi'a. Donc parmi les choses qu'on mentionne à son sujet, c'est qu'il a dépassé 100 ans. Il avait plus que 100 ans. Huwa Zayd ibn Haritha. Celui que le messager a envoyé comme messager, c'était Zayd ibn Haritha. Donc il dit fa arsala rasulan wa huwa Zayd ibn Haritha. Rawa dhalika al-Harith ibn Abi Usama fi musnadihi qalahu al-Hafiz. Donc celui qui avait été envoyé comme messager, c'était Zayd ibn Haritha. Le Cheikh Al-Fawzan il dit ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam ba'atha Zayd ibn Haritha مولاه رضي الله عنه ليبلغ هذه للناس فالسلطان قد يرسل الرسول ويبلغ الناس وقد يعلق هذا في مجامع الناس بالكتابة التي تقرأ على الناس أو الرسائل التي يكتبها. والآن في الإذاعة والصحف كلها وسائل لتبليغ الأوامر ووسائل للدعوة إلى الله عز وجل وإبلاغ الناس الخير ونهيهم عن الشر. Donc, le Cheikh Al-Fawzan explique que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Zayd ibn Haritha, qui était son servant, pour transmettre le message aux gens et pour leur faire parvenir ce message. Et il explique que les dirigeants, ils envoient également parfois des gens pour, à l'époque, ils envoyaient des gens pour transmettre un message, et ça pouvait être parfois sous forme écrite, et on l'amenait ou on l'apportait à l'endroit où les gens étaient réunis, ou bien parfois dans la place publique, et puis on le lisait à haute voix devant tous les gens, ou bien collait sur un panneau ou quelque chose comme ça, où les gens pouvaient venir lire l'affiche ou ce qui était écrit. Et à l'époque actuelle, c'est par exemple avec les radios ou dans les journaux qu'on fait parvenir aux gens les messages et les ordres du dirigeant, hein, et qu'est-ce qu'il leur donne. Et donc tout ça sont des moyens pour faire transmettre les ordres et des moyens également pour la da'wa et pour inviter à Allah subhanahu wa ta'ala et pour faire parvenir aux gens les informations importantes et ou bien pour leur interdire quelque chose qui est mauvais. Et donc dans cet exemple là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a un exemple à ce sujet. Ensuite le cheikh il dit wa qawluhu la yabqayanna bi fath al الياء والقاف ويحتمل أن يكون بضم الياء المثنى وكسر القاف. Donc le cheikh il dit, et également ici il dit la parole du prophète sallam, la yabqayanna, il dit c'était avec une fatha sur le ya et sur le qaf, la yabqayanna. Et il dit que c'est possible également que ce soit une dhamma sur le ya, tandis que sous le qaf, c'est une kasra. La yubqiyanna. La yubqiyanna. Donc, dans les deux sens, dans les deux, selon la façon dont on le lit, que ce soit la yubqiyanna ou la yubqiyanna, on voit que c'est la signification. Par exemple, يبقي يعني أبقى يبقي أو bien يبقى يبقي نعم يبقى يبقي. على كل حال ici c'est dans le sens de laisser, donc on ne doit pas laisser. À la base la racine ça vient du verbe baqiya qui veut dire de laisser. Et abqa, c'est de faire laisser quelque chose. Et il est précédé par la négation, donc ça veut dire de ne pas laisser. Hein? Et il y a le nun tawkid qui est accroché à la fin, qui vient rajouter encore plus d'insistance sur la signification. Et al-watar, il dit bifathatayn. C'est-à-dire, il y a deux fatha, le fatha sur le waw et le fatha sur le ta, donc al-watar. Et al-watar, il dit wahid min awtar al-qaws. Donc c'est le pluriel plutôt c'est le singulier du mot awtar. Et awtar, c'est la corde de l'arc, la corde dans l'arc. Donc l'arc, on connaît tous l'arc, qu'est-ce que c'est un arc pour tirer des flèches. Hein? Et il y a une corde qui est attachée à cet arc. Donc cette corde-là, en arabe, on l'appelle al-watar. D'accord? Le pluriel, c'est awtar. Et le cheikh explique, il dit « Wa kana ahlul jahiliya إذا إخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين. Donc le cheikh il explique que dans la jahiliya, les gens lorsque la corde de leur arc était devenue usée, donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils la remplaçaient par une autre corde et l'ancienne ils l'accrochaient au cou de leur animal dans le but de yani, les protéger contre le mauvais œil. Ça c'était leur croyance à ce sujet-là. Cheikh Al-Fawzan explique donc la signification de ces deux points-là. Premièrement, à propos du verbe yabqiyanna mabni lil ma'loum wa yabqiyanna mabni lil majhoul. Wa al-ma'na wahid, walakin in kana mabniyan lil ma'loum la yabqiyanna yani fatakun al-qilada fa'il marfu', fa'ilun marfu'un. Wa in kana mabniyan lil majhoul لا يبقين فتكون القلادة نائب فاعل. Donc ici le cheikh il explique que يبقين avec la fatha, hein, la fatha sur le ya et sur le qaf, ça veut dire يعني مبني للمعلوم. مبني للمعلوم, c'est-à-dire que c'est un verbe يعني qui est actif. Hein, c'est ça qu'on dit, actif. Tandis que yubqiyanna, c'est mabni lil majhoul, ça veut dire dans le sens passif. Hein, passif, c'est-à-dire actif, ça veut dire que on connaît le sujet. Tandis que mabni lil majhoul, quand le verbe est passif, c'est-à-dire le sujet n'est pas mentionné. D'accord? Et donc, dans les deux cas, la signification c'est la même. Sauf que quand le verbe est mabni lil ma'loum, quand il est actif, eh bien, qilada, dans ce cas-là, il est fa'il, hein, et il est marfou', la yabqayanna, donc le qilada va être fa'il, donc il va être marfou', tandis que si il est mabni lil majhoul, alors le qilada va être na'ib fa'il. Ça c'est de la grammaire. Donc ceux qui ont étudié un peu de Al-Jurumiyya ici, hein, ils vont comprendre qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer. Sinon, yani, l'important c'est de comprendre la signification du hadith et de comprendre qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça signifie pour le musulman dans sa pratique de la religion. C'est ça l'important. Donc, إخلولقه يعني رد من كثرة الاستعمال وبليا أو يعني رثة pardon رثة من كثرة الاستعمال وبليا. Ça veut dire إخلولقه, c'est un verbe يعني donc c'est une forme du verbe à la racine c'est khalaqa, mais ikhlaulaqa ça veut dire que quand quelque chose devient usé à force de l'avoir utilisé beaucoup, il devient usé et donc on dit ça on utilise le verbe ikhlaulaqa, ça c'est ça le sens ici. Al-Watar, donc, on l'a expliqué. Et par rapport au fait qu'ils accrochaient l'ancienne corde au cou de l'animal, le cheikh il dit وَهَذَا هُوَ الْمَمْنُوعِ إِذَا كَانَتِ الْقِلَادَةُ يَعْتَقِدُ بِهَا أَنَّهَا تَدْفَعُ الْعِيدِ فَهَذَا شِرْكٌ وَمَمْنُوعٌ تَقْلِيدُهَا مِنَ الدَّوَابِ وَمِنْ غَيْرِهَا. Donc, le cheikh il dit c'est ça qui est interdit en fait, de prendre une corde et de l'accrocher, hein, de l'accrocher quelque part sur quelqu'un ou sur une personne ou sur une chose ou sur un animal, et de penser que ça c'est quelque chose qui peut yani, repousser le mauvais œil ou que ça peut protéger contre le mal ou des choses de ce genre ou amener un bien quelconque. Il dit le cheikh que ça c'est du shirk. Ça c'est du shirk et c'est interdit de les accrocher, hein, de les accrocher sur les animaux ou sur les personnes ou autres, ou les objets. Ensuite, le cheikh, il continue l'explication, il dit « Walihada, cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit « Walihada, amara al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi qat'i al-autar allati ulliqat ala al-ibil lama kana ahlu al-jahiliyati ya'taqiduna thalika fiha. Wa qawluhu aw qiladatan illa quti'at yahtamilu anna thalika shakkun min al-rawi » ولأبي داود ولا قلادة بغير شك فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو بمعنى الواو. Donc ici Cheikh Al-Fawzan, bon, en premier on va traduire qu'est-ce qu'on a lu ici. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il a ordonné de couper les cordes qui étaient accrochées au cou des chameaux, parce que les gens de la Jahiliya, ils avaient cette croyance, hein, par rapport à ces cordes, et donc il a ordonné qu'elles soient coupé. Et dans le hadith, la narration qu'on avait lue, ça disait yani de ne laisser aucune corde qui soit une corde d'arc ou une corde quelconque, excepté qu'elle devait être coupée. Et donc le cheikh explique ici que le ou, hein, dans le hadith, quand il dit une corde d'arc ou une corde, que c'était ici un doute de la part du narrateur. Tandis qu'il y a une autre narration de ce même hadith qui est rapportée par Abu Daoud, dans lequel il n'y a pas l'expression « ou », hein, ou en arabe « aou ». Donc, c'est comme on l'avait expliqué au dernier cours, ça peut également être utilisé dans le sens de pour dire une corde d'arc ou n'importe quelle autre corde, hein, ou bien et n'importe quelle autre corde, peu importe. Donc c'est pas un doute de la part du narrateur, mais c'est juste pour mentionner que c'est cette sorte de corde là ou n'importe quelle autre sorte de corde. Ensuite le cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire là-dessus, il dit يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلقه والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتفظون من في الرواية يتحفظون في الرواية إذا كان عندهم أو إذا كان عند أحدهم شك إذا كان عند أحدهم شك فيها لم يجزم من ورعهم لم يجزم بور من ورعهم وصدقهم في نقل الأخبار. Donc le cheikh, il dit que est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une corde d'arc ou une corde quelconque, n'importe quelle, les sahaba, donc ils faisaient beaucoup attention lorsqu'ils rapportaient un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils avaient un doute à propos d'un mot ou d'un terme. Hein, donc, parce qu'ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils étaient véridiques. Et c'est pour cette raison-là qu'ils le mentionnaient. Ils mentionnaient le doute qu'ils avaient, s'ils avaient un doute, à propos d'un terme ou d'un mot. Ensuite, il dit, par rapport à la narration de Abu Daoud, il dit « Aw, wa laha iddat ma'ani, wa minha annaha ta'ti bima'na al-waw. » Ta'ti bima'na al-waw. Hein? فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو. Donc ici, le cheikh explique que certains ont mentionné que donc le au, il peut également avoir comme signification la signification du wow. Le wow, c'est quand on dit en français et, c'est-à-dire et, ça veut dire et. Et tandis que au, ça veut dire ou. Hein? Donc, un peut avoir le sens de l'autre parfois. Ensuite, le cheikh il explique, il dit وقال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره صلى الله عليه وسلم بقطع القلائد على أنه من أجل العين وذلك أنه كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود العود نعم ويظنون أنها تعصمهم من الآفات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أن الأوتار لا ترد ما أمر الله أو من أمر الله نعم لا ترد من أمر الله شيئا وقال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لأن لا تصيبها العين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما له بأن الأوتار لا ترد شيئا ويعني قوله وعن أبي مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك رواه أحمد وأبو داود نعم donc ça c'est l'explication du hadith suivant. En tout cas, on va expliquer en premier qu'est-ce qu'il a mentionné de la part de l'imam al-Baghawi. Il dit dans son livre « Sharh al-Sunnah » Al-Baghawi, il dit dans son livre « Sharh al-Sunnah » que l'imam Malik a expliqué la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam de couper les colliers ou les cordes dans les cous des animaux que c'était à cause du fait qu'il les portait pour le mauvais œil. Hein, pensait que ça protégeait contre le mauvais œil et du fait qu'ils attachaient donc ces cordes ou bien ces amulettes hein, ou bien ces colliers et ces cordes d'arc, ils les accrochaient et parfois même, il dit le cheikh, il mettait un morceau de bois avec. Il mettait un morceau de bois, il pensait que ça pouvait protéger contre le mauvais œil. Alors le professeur sallam, il leur a interdit de faire cela et il leur a fait savoir que ça c'est ça ne pouvait que le fait de porter ce genre de corde ça ne pouvait pas repousser l'ordre d'Allah en quoi que ce soit. Et Abu Ubaid, il dit les gens accrochaient ce genre de corde dans le cou de leurs ânes de leurs chameaux. Hein, pour qu'ils ne soient pas touchés par le mauvais œil. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de les enlever, hein, de les retirer, et leur a fait savoir que ces cordes ne pouvaient rien repousser hein, du mauvais œil. Ensuite, il dit qu'il est rapporté également selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait que ar-ruqa wa at-tama'im wa at-tiwala shirk. Donc ar-ruqa c'est les incantations at-tama'im et les incantations ça peut être écrite ou verbale hein. Et at-tama'im c'est les amulettes et at-tiwala c'est les potions magiques que certaines peuvent donner, certaines personnes peuvent donner dans le but de faire en sorte que une femme aime son mari ou bien que un mari aime sa femme ou ne l'aime plus. Il y a des choses comme ça. Donc il y a un terme pour ça, j'ai oublié comment les gens appellent ça en français, mais je sais qu'il y a un mot que les gens disent souvent. Ala kulli hal. Le cheikh, donc, il explique ici, il dit. Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit. Donc, ta'awwala bima'na fassara al-imam Malik rahimahullah, hadha an-nahy. Hadha an-nahy. النهي بأنه من أجل أنهم يعتقدون أنه يمنع من العين donc ici le cheikh il explique que l'imam Malik il a expliqué comme je disais tout à l'heure que il a expliqué l'interdiction du professeur sallam que c'était parce qu'il croyait que ces colliers là pouvaient ou ces cordes là pouvaient empêcher le mauvais œil Et il n'y a pas de doute que ça, c'est ça rentre dans le shirk. Et ensuite, il dit, par rapport à l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce genre de choses, c'est-à-dire de porter ce genre de bracelet ou de collier ou de corde. Hein. On en a parlé, ça. On en a parlé de ça même dans le chapitre précédent. Ensuite, il dit, par la suite, à propos du hadith rapporté par, selon Ibn Mas'ud, il dit, « وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَحَابِيٌ جَلِيلٌ رَأَى عَلَى امْرَأَتِهِ شَيْئًا عَلَّقَتْهُ فَنَهَاهَا عَنْ ذَلِكَ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ هَذِهِ الْحَادِثَةِ اسْتِدْلَالًا عَلَى مَا فَعَلَ مَعَ زَوْجَتِهِ مِنْ مَنْعِهَا مِنْ اتِّخَاذِ هَذِهِ الْقِلَادَةِ أو هذا الشيء الذي علقته تتقي به العين أو تتقى به أو تتقي به العين. Ici le cheikh il explique que Abdullah ibn Mas'ud c'est un noble compagnon connu, célèbre. Il a vu sur son épouse quelque chose qu'elle portait, alors qu'elle avait accroché comme ça, il lui a interdit de le porter, il lui a rapporté ce hadith là. Qu'on a lu, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que les incantations, les amulettes et les potions que les gens font pour faire aimer une personne à un autre, que ça fait partie du shirk. Donc il lui a rapporté ce hadith-là pour lui prouver donc que ce qu'elle portait était interdit. يعني استدلالا على ما فعل مع زوجته من منعها من اتخاذ هذه القلائد. Donc c'était pour justifier l'interdiction de ce qu'il avait interdit à son épouse de porter comme collier. Et يعني c'est-à-dire ce qu'elle avait porté dans son cou ou sur son corps pour se protéger contre le mauvais œil. Ensuite le cheikh il dit ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله ابن مسعود أنه عبد الله أو أن عبد الله رأى في عنقي خيطا ما فقال ما هذا قلت خيط رقي نعم أو خيط رقي لي فيه فقال ما هذا قلت خيط رقي لي فيه قلت فأخذه ثم قطعه ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنيا عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. Ici, le cheikh il explique une autre narration par rapport à cette parole d'Abdullah ibn Mas'ud, qui explique le contexte de la narration de ce hadith, c'est-à-dire quand il l'a mentionné. Et on a expliqué donc que c'était par rapport à son épouse. Elle s'appelait Zainab, et c'était l'épouse d'Abdullah ibn Mas'ud. Et Abdullah Ibn Mas'ud a vu donc qu'elle portait une corde dans son cou. Alors il lui a demandé, qu'est-ce que c'est ça? Alors elle a dit, c'est une corde sur laquelle on a fait la ruqya. On a fait une incantation. Et Yanni, elle le portait comme ça, donc pour se protéger contre le mal. Alors Abdullah Ibn Mas'ud, il l'a coupé. Et il a dit, il a dit, vous, la famille d'Abdullah, en parlant de sa famille à lui, il dit, vous êtes, vous n'avez pas de shirk, vous devez vous écarter du shirk, dans ce sens, c'est-à-dire, la arnia an shirk, c'est-à-dire, vous avez pas besoin d'aucune forme de shirk, vous ne devez pas faire aucune forme de shirk. Il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit justement que les incantations et les amulettes et les autres choses de ce genre comme les tiwala, tout ça, il a dit ça c'est du shirk. Cheikh Al-Fawzan il explique donc ce hadith là. Et premièrement, il dit الذي له سلطة من ولي الأمر أو نائب ولي الأمر أو صاحب البيت أو ولي المرأة فإنه يزيل المنكر بيده. Donc en ce qui concerne le fait qu'Abdullah ibn Mas'ud a coupé cette corde avec sa main, il mentionne, le cheikh, il mentionne que le dirigeant ou le gouverneur ou le représentant du gouverneur ou bien le chef de la maison ou le mari de la femme, il a le droit, le tuteur de la femme, c'est-à-dire que ce soit son mari ou son père, il a le droit de retirer le mal avec sa main lorsqu'il le voit. Tous ces gens-là ont l'autorité sur leur foyer et sur les personnes qui sont dans leur foyer, donc ils ont le droit de retirer le mal avec la main. Et le cheikh il explique ensuite, il dit wa inna ar-ruqa wa at-tamaim wa at-tiwala shirkun hadha al-hadith yadullu ala tahrim ta'liq ar-ruqa wa at-tamaim سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. أما من غير القرآن فهذا محل إجماع، ولكن إذا كان المعلق من القرآن مكتوب فيه آية أو آيات من القرآن يعلق على الإنسان للاستشفاء به، فهذا موضع خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول أنه ممنوع، وممن قال بهذا ابن مسعود راوي الحديث وتلاميذه من التابعين كعبيدة السلماني وعلقمة والأسود وإبراهيم النخعي كلهم يرون تحريم تعليق الرقى مطلقا سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن لعموم هذا الحديث. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد وجماعة من أهل العلم من العلماء أنه لا بأس إذا كان المعلق من القرآن، لأن القرآن جعله الله شفاء وليس في تعليقه شيء، لأنه كلام الله عز وجل. وكان ابن عمر يكتب الآيات ويعلقها على أولاده، فدل هذا على جواز على الجواز عند هؤلاء. ولكن الصحيح القول الأول أنه لا يجوز تعليق الرقى سواء من القرآن أو من غير القرآن، وهذا ما حكم به علماء هذه البلاد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنهم يمنعون من تعليق الحروز والحجب، وذلك لأمور. أولا أن الحديث عام، أن الرقى والتمائم والتولى شرك، ولا مخصص له. والأمر الثاني أن السماح بتعليق شيء من القرآن وسيلة إلى تعليق غيره، والناس لو فتح لهم الباب لا يقتصرون على المباح وعلى ما كان من القرآن، بل يعلقون ما هب ودب ويقولون هذا جائز. الأمر الثالث أن تعليق شيء من القرآن وسيلة لامتهانه، لأنه يعلق على الصبيان وعلى الحيض وعلى من يدخل به الخلاء وغيرهم، ففي هذا امتهان للقرآن. ومن هذه الوجوه قالوا إن الصحيح لا يجوز تعليق شيء ولا من لا من القرآن ولا من غير القرآن، إنما الرقية المباحة المتفق أو المتفق عليها هي أن يقرأ على المريض مباشرة، يقرأ وينفث عليه مباشرة، هذه الرقية المشروعة. أما الذي يكتب ويعلق فالصحيح أنه ممنوع. نعم، وقوله ورخص فيه بعض السلف دل على أنه ليس محل إجماع. نعم، donc ici le sheikh il explique cette parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et on l'a traduit la parole. Après il a dit, et l'auteur il dit wa qala al musannif rahimahullah walakin idha kana al mu'allaq min al qur'an fa rakhasa fihi ba'd al salaf. Donc le cheikh Abdurrahman ibn Hassan il dit que l'auteur, c'est-à-dire Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a dit que si ces incantations-là sont écrites à partir du Coran, c'est-à-dire qu'elles sont des écritures du Coran, des versets de Coran, alors certains parmi les salafs l'ont permis. Hein, ils ont donné la permission de l'utiliser. Donc le cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire sur ça, puis il explique les détails là-dessus. Donc il dit que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que ar-ruqa, les incantations, les amulettes et les potions d'amour ou des choses comme ça, la magie, hein, ce genre de choses, que ça rentre dans le shirk, eh bien ça c'est ce qui indique, hein, ce hadith-là est une preuve qui indique l'interdiction d'accrocher quoi que ce soit comme incantation, peu importe que ce soit à la base tirée du Coran ou d'autre que le Coran. Et il dit, en ce qui concerne ce qui est tiré d'autre que du Coran, ça c'est clair que c'est interdit. Et il y a un consensus là-dessus entre les ulama. C'est-à-dire que les ulama sont tous d'accord sur le fait que cela est interdit. C'est-à-dire quand c'est pas basé sur le Coran. Et il dit toutefois, si c'est tiré du Coran, que c'est les écritures des versets, hein? Eh bien, il dit dans ce cas-là, si quelqu'un l'accroche dans le but de se guérir avec, c'est une question sur laquelle les savants ont divergé. Et il dit qu'il y a deux positions par rapport à cette question-là. La première position, c'est que cela est interdit. Et il dit que parmi les ulama qui ont dit que ça c'était interdit, il y a Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui est celui qui a rapporté justement ce hadith, hein, et son élève également, ses élèves parmi les tabi'in, comme Abdullah al-Salmani, ou bien plutôt Ubaida al-Salmani, et également Al-Qama, et aussi Al-Aswad, et aussi Ibrahim al-Nakha'i. Donc, tout cela, ils ont été d'accord avec l'opinion de Abdullah ibn Mas'ud à ce sujet-là. Donc, ils voyaient ou ils considéraient tous l'interdiction des incantations et des amulettes, peu importe que ce soit du Coran ou autre que le Coran. D'accord ? Donc, ils ne font pas de distinction. Pour eux, tout ça, c'est haram, hein, de façon générale. Il dit, tandis que la deuxième position, parmi les positions, c'est la position qui est une position qui est apportée selon une des narrations par rapport de l'imam Ahmad, une narration de l'imam Ahmad, et d'un groupe parmi les ulama, Et ils disent qu'il n'y a pas de mal hein, d'accrocher des versets de Coran parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait du Coran une guérison, hein, un remède. Donc eux, ils disent qu'il n'y a pas de mal dans le fait d'accrocher la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et que même que Abdullah ibn Omar, il écrivait les versets et il les accrochait sur ses enfants et que ça, c'est la preuve que pour eux, c'était interdit. Sauf que le cheikh, il dit toutefois, la première position, hein, que cela n'est pas permis, c'est la position yani, qui est correcte. C'est ça la position qui est vraie. Et il dit que yani, peu importe que ce soit du Coran ou d'autre que le Coran, de porter des amulettes ou d'utiliser des incantations, peu importe que ce soit yani, d'autre que le Coran, du Coran ou d'autre que le Coran, yani, dans tous les cas, c'est interdit. Ça, c'est la position numéro 1. Et il dit que c'est ça qui est la position correcte dans cette question-là. Et parmi les exemples, il dit que c'est la position qui a été adoptée par les ulama en Arabie Saoudite hein, depuis l'époque du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ils ont toujours interdit ce genre d'amulettes, hein, d'accrocher des amulettes ou des gris-gris ou des choses de ce genre. Et il dit que, premièrement, la raison de ça, c'est parce que, premièrement, yani, les incantations et les amulettes et le tiwala, tout le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était du shirk. Et il n'y a rien qui vient spécifier ou mentionner qu'il y a des exceptions à ça. Deuxièmement, le cheikh il explique que le fait de permettre de porter des talismans, ou pas des talismans, mais des amulettes en particulier avec le Coran dedans. Ça ouvre la porte, si tu dis que ça c'est permis, bien ça ouvre la porte aux gens de commencer à vouloir porter des amulettes avec autre que le Coran. Hein? Et comment tu vas vérifier qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça aussi c'est compliqué. Parce que des fois, il y a des gens, des charlatans, ils font des amulettes pour les gens et ils les font avec autre que le Coran. Quand tu l'ouvres à l'intérieur, tu constates que c'est du sihr. Hein? Ou c'est du shirk ou des choses de d'égarement. Donc ça c'est un exemple aussi pour faire comprendre que si on commence à dire oui, si c'est le Coran c'est permis, eh bien ça ouvre la porte à la confusion en fait, parce que les gens vont commencer à se permettre de faire des amulettes avec toutes sortes de choses même si c'est pas le Coran, et puis ils vont dire que c'est le Coran ou bien ils vont l'utiliser malgré que c'est pas le Coran, et ça ouvre la porte à la fitna dans ce sens-là. Donc pour ces raisons-là, le cheikh il a mentionné donc que ça c'était pas permis. Puis il a mentionné une troisième explication aussi. Il dit que d'accrocher quelque chose du Coran, ça ouvre la porte également à avoir un manque de respect envers le Coran. La raison de ça, c'est parce que lorsque tu vas accrocher des versets de Coran au cou des enfants, ou bien sur leurs vêtements, ou sur leur corps, hein, les enfants, en général, yani, ils sont pas nécessairement propres. Hein. Des fois, yani, ils peuvent manquer de respect aux versets de Coran qui sont sur eux. Également, les femmes qui sont menstrues, qui ont leur menstrues, eh bien, ça aussi, ça donne un exemple de manque de respect envers le Coran, puisque le Coran, c'est la parole d'Allah. Donc, il ne faut pas que la personne impure, elle le porte. En même temps aussi, le cheikh, il donne comme exemple aussi le fait que les gens vont rentrer avec aux toilettes, hein. Ils vont rentrer avec le Coran aux toilettes dans l'amulette qui a le Coran dedans ou quelque chose comme ça. Ils vont l'amener aux toilettes avec eux. Donc ça, c'est un manque de respect aussi avec le Coran. Et il y a déjà, j'ai vu déjà avec des chaînes en or, et sur la chaîne, il y a par exemple un petit pendentif avec écrit dessus Ayatul Kursi, hein, ou bien le nom d'Allah, hein, Allah écrit en or. Hein. Donc les gens vont pas laisser leurs bijoux en or à l'entrée des toilettes, hein, par crainte de le faire voler, donc ils vont entrer avec dans la toilette. Et ça, c'est un manque de respect envers, envers le nom d'Allah et envers la parole d'Allah. Donc, par conséquent, il faut s'abstenir justement de porter ce genre de bijoux, hein, ou de bracelets ou d'amulettes avec le Coran dessus. Donc ça fait partie des raisons et des arguments que les ulama ont mentionnés, hein, pour expliquer que l'utilisation des amulettes, même avec le Coran, ce n'est pas permis, hein, et qu'on doit l'interdire. Naam. Donc ça, c'est la position correcte à ce sujet-là. Et il explique en même temps aussi que la sunna qui est légiférée en ce qui concerne la ruqya, c'est de réciter le Coran directement sur la personne qui est malade. Hein? Tu récites et tu souffles sur la personne qui est malade. Directement, c'est ça qui est légiféré. Tandis que d'écrire les versets ou de les accrocher, ça, c'est pas quelque chose qui a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la position correcte, c'est que c'est interdit de faire des amulettes, hein, avec le Coran. Et il dit donc que quand il mentionne que certains des salafs ont permis de le faire, le cheikh il dit ça, c'est la preuve qu'il n'y a pas de consensus à ce sujet-là. Et ça, c'est intéressant aussi de comprendre, même une des bonnes méthodologies que le cheikh Abdullah Al-Rudayan, il mentionnait dans un de ses cours lorsqu'on lui a posé la question sur la méthodologie à adopter lorsqu'on étudie le fiqh. Il a conseillé de commencer par connaître dans les différents chapitres, dans les différents sujets, de commencer par étudier ou connaître les questions qui sont des questions d'ijma, questions de consensus. Donc une fois que tu connais ce qui est ijma, hein, c'est-à-dire ce sur quoi il y a un consensus entre les ulama, eh bien ça facilite beaucoup le reste, puisque une fois que tu sais que sur une question en particulier il y a un consensus, tu dis donc ça veut dire que tous les ulama sont d'accord là-dessus, donc il n'y a pas de divergence. Hein, donc ça c'est quelque chose qui devient clair pour toi. Puis ensuite, il restera les sujets sur lesquels il y a des divergences, hein, entre les ulama. Donc, à ce moment-là, il faudra, yani, avec le cheikh ou le alim avec qui tu vas étudier, il va te donner les divergences et te clarifier les preuves et te donner le rajih. Donc, ça, c'est un exemple ici, dans ce cas-là. On ne va pas dire, par exemple, puisque certains ont dit oui, c'est permis, et d'autres ont dit non, c'est pas permis, que mais puisqu'il y a une divergence, dans ce cas-là, on va le permettre. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans la religion de l'islam, hein, s'il y a une divergence, ce n'est pas une preuve pour que quelqu'un le rende licite. D'accord? La divergence n'est pas une preuve du fait que quelque chose soit permis en islam. Non. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset, si vous divergez en quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier. Donc ça veut dire que dans des exemples de divergence, on clarifie. S'il y a un ijma, il y a un ijma. Comme la question des amulettes, si elles contiennent autre que le Coran, ça, il n'y a pas de divergence là-dessus. Les ulama sont d'accord que c'est interdit. Donc déjà, en partant, c'est clair. Hein? Et l'autre question qu'on a dit, si c'était des amulettes faites avec le Coran, alors là, c'est là qu'il y a une divergence. Et on a expliqué qu'il y a deux positions et que la position correcte, c'est que c'est interdit malgré tout. Puisque de toute façon, ça ouvre la porte hein, à la confusion. Et quand quelque chose ouvre une porte à une confusion, en général, c'est toujours mieux de la fermer. D'accord ? C'est ce qu'on appelle « sadd al-dhara'i », hein, fermer la porte de quelque chose qui amène à quelque chose de mal ou de mauvais, même si, à la base, cette chose-là en elle-même n'est pas interdite. Donc ça, c'est important de bien le comprendre aussi. Naam. Ensuite, le Cheikh dit « وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ وَيَجْعَلُهُ مِنَ الْمَنْهِيَ عَنْهُ وَمِنْهُمْ إِبْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ » Donc il dit « Certains l'ont permis, d'autres ne l'ont pas permis. » Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit « Certains l'ont permis, d'autres ne l'ont pas permis. » Hein, ils l'ont considéré comme interdit, comme Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Et par rapport à ça aussi, c'est important de comprendre que il est arrivé parfois à certaines personnes d'avoir trouvé par exemple des amulettes ou d'avoir obtenu des amulettes. Quand ils les ont ouvertes, ces amulettes à l'intérieur, ils ont regardé et ils ont trouvé toutes sortes de choses. Hein, du shirk hein, et des genres de en tout cas toutes sortes d'incantations, des choses des chiffres, des carrés, des choses bizarres. Donc et même une fois je me rappelle je pense qu'il y avait une sœur une fois qui est venue avec ce genre de choses, et puis quand on l'a ouvert, on l'a coupé la pochette en cuir, on a regardé à l'intérieur et il y avait effectivement du shirk et des exemples de sihr dedans. Donc, ça, c'est des choses graves. Hein? C'est des choses très graves, Allah Musta'an. Et donc, il faut l'interdire, ça, c'est clair. Malheureusement, dans certains pays, les gens, ils portent ça comme si c'était normal. Hein? Et j'ai vu ça chez, par exemple, dans certains pays. Il y en a au Pakistan, en Inde. Hein, les gens, même Jamaat Tabligh, ils portent ça beaucoup. Les fondateurs de Jamaat Tabligh et les gens des Diobandiya, ils insistent beaucoup sur le fait de porter ce genre de choses. Et Allah al-Musta'an, et également au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, il y en a qui sont connus pour ça. C'est les marabouts qui leur font, pas seulement au Sénégal, mais dans d'autres pays africains aussi. Et il y en a en particulier certaines catégories de personnes qui sont connues pour porter ce genre de choses. Et un frère qui m'avait parlé justement des gens qui sont c'est des lutteurs, hein, ils font comme une sorte de lutte traditionnelle, et puis ils ont chacun leur marabout chez qui ils vont, puis même des joueurs de foot aussi, et ils vont voir leur marabout, puis on leur donne des amulettes comme ça, ils accrochent ça sur leurs bras, ils accrochent ça sur leur taille, sur leurs pieds, sur partout, hein? Et ils pensent que ça protège contre le mal et contre le mauvais œil, ou que ça va leur donner la victoire ou des choses comme ça, ou que ça les protège contre le sihr. Et tout ça, il n'y a pas de doute que ça fait partie du shirk. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. On continuera au prochain cours. Je vais m'arrêter maintenant. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.